An de grâce 1211. Le roi Jean, excommunié, multiplie pillages et forfaitures et prépare une infamie pour se venger du pape Innocent III. En apprenant son funeste dessein, le comte de Huntingdon demande à Guillaume Ducel de l'aider à lui faire obstacle. Chevauchée, bataille, traîtrise, guet-apens, l'expédition multiplie les périls et surprises. Le destin de la chrétienté que Guillaume a entre les mains va-t-il basculer ? Cordoue 1211 de Jean Daillon. La suite des aventures de Guillaume Ducel, un roman publié aux éditions Robert Laffont. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Qui sont les Olmèques ? Le nom fait rêver, pas seulement parce qu'ils sont parmi les héros de notre enfance quand Esteban Zihatao part à la recherche des mystérieuses cités d'or. Les Olmèques fascinent car ils sont porteurs d'une civilisation brillante, longtemps méconnue, découverte tardivement. Depuis, nous saisissons sans cesse découverte après découverte, étude après étude, combien cette civilisation est importante. Allez, partons au Mexique, dans les états actuels de Veracruz et de Tabasco, pour une histoire pimentée. Dominique Michelet, bonjour. Bonjour. Vous entendez, il pleut, nous sommes dans une forêt tropicale. Dites-moi, Dominique Michelet, quand nous partons à la rencontre des Olmèques, où nous trouvons-nous ? Alors nous nous trouvons tout à fait au sud de ce qu'on appelle la côte du Golfe du Mexique, dans cette espèce de creux que forme l'océan Atlantique dans le Mexique. Et c'est une assez petite région en réalité, entre le fleuve Papaloapan du côté ouest et le fleuve Tonala du côté est, peut-être jusqu'à l'Usumacinta, c'est-à-dire aux portes du pays Maya de l'autre côté, du côté est. C'est une région pas très étendue, pas très large non plus, en profondeur, une centaine de kilomètres de large sur la côte du Golfe. Et puis, c'est une région de basse terre, où il pleut beaucoup, donc bravo pour le bruitage, parce que nous sommes effectivement au cœur d'une des régions les plus arrosées du monde. Et nous sommes dans la plaine, sauf un accident qui est l'extrême pointe du système volcanique centre-mexicain qui vient mourir le long de la côte. C'est un massif qu'on appelle les Tuxtlas. Et c'est donc un pointement de montagne sur le bord de la mer. Et c'est assez spectaculaire parce qu'on est parfaitement dans la plaine et tout d'un coup, on a une espèce de massif pas très grand, mais qui pointe quand même à 1700 mètres d'altitude au-dessus de la mer, et comme ça plonge directement dans la mer, c'est très spectaculaire. Et tout ça était recouvert par une végétation extrêmement luxuriante, avec beaucoup de zones très humides, beaucoup de marécages, beaucoup de cours d'eau aussi, et c'est dans ce milieu-là que les Olmèques se développent. Les Olmèques. Le nom, je le disais, fait tout simplement rêver parce que, Dominique Michelet, il faut rappeler que nous touchons ici, pour la chronologie, à une civilisation qui est très ancienne. Vous pouvez nous rappeler à peu près les bornes données à l'étendue de cette civilisation ? Alors on a il y a depuis une trentaine d'années rallongé un petit peu l'histoire des Olmèques. On sait aujourd'hui que il y a des populations qu'on peut parfaitement considérer comme Olmèques dès 1600-1700 avant Jésus-Christ. Donc on considère, alors là c'est plus artificiel, que la civilisation Olmèque se termine vers 400 avant Jésus-Christ. Donc c'est un espace de 1500 ans à peu près, tout ça avant notre ère bien entendu. La fin de l'époque Olmèque, c'est un peu une décision des chercheurs parce qu'en réalité, rien ne disparaît. Les populations se maintiennent, elles vont perdurer. Simplement, ils ont des concurrents ailleurs et on va plus parler des concurrents que d'eux-mêmes. À l'époque où eux, ils existent, ils sont évidemment en avance sur tout le monde et c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup à leur civilisation. C'est vrai que vous citez ce nom de concurrent, mais il n'est qu'à dire Maya et tout de suite un autre imaginaire se développe. Dominique Michelet, vous êtes archéologue, directeur de recherche émérite au CNRS. Vous venez d'être élu à l'Institut à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Félicitations. Merci. Et justement, vous avez participé à cette exposition au musée du Quai Branly à Paris, les Olmèques et les cultures du Golfe du Mexique. Alors bien sûr, exposition qui a subi tous les désastres de la crise sanitaire, mais l'exposition même, l'idée même de consacrer une exposition aux Olmèques est quelque chose d'important. Souvent, ils sont noyés dans d'autres expositions. Mais je peux vous corriger quand même, parce qu'en réalité, l'expo s'appelle « Les Olmèques et les cultures du Golfe du Mexique ». C'est donc une exposition qui part depuis les plus anciennes manifestations de la complexité culturelle que représentent les Olmèques, justement, et qui va jusqu'à la conquête. En réalité, on est sur 3000 ans d'histoire dans cette exposition. Mais toute la première partie est complètement Olmèque. Ça, c'est effectivement vrai. Alors je reformule ce que je voulais dire, c'est que souvent les Olmèques ne sont pas mis en avant dans les expositions. Souvent, nous avons les expositions sur les Mayas. Et l'exposition s'ouvre par exemple avec une tête géante Olmèque. Mais l'exposition porte sur les Mayas, je pense à une exposition en 1962, une exposition qui s'est tenue au Petit Palais. Quand nous arrivions au Petit Palais, il y avait une énorme tête Olmèque, mais l'exposition était consacrée aux Mayas. En inaugurant la plus belle et la plus complète exposition de l'art mexicain que Paris ait jamais vue, M. André Malraux a ouvert plus grand nos yeux sur cette extraordinaire civilisation aztèque dont les pyramides et les sculptures nous remplissent toujours d'étonnement. Ce qu'il faut de préférence noter dans cette réunion de quelques 3000 pièces, c'est surtout peut-être ces figures féminines, d'une aisance et d'un délicat maniérisme comparable aux figures crétoises pour certaines, d'une humanité hautaine et religieuse pour d'autres, mais qui toutes nous donnent un aspect jusqu'ici mal entrevu des civilisations qui se succédèrent dans l'ancien Mexique. Chose assez étrange, ces visages dont on a trop souvent vu que le tragique savait sourire. Et même ce sourire sur ces visages de pierre sut aller jusqu'au rire, avant ou en même temps peut-être qu'entrait dans le cœur de ces peuples le féroce visage de la mort. En 1962, les Mayas à Paris, dans le journal des actualités françaises. Steve Bourget, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes archéologue, responsable de la collection Amérique du musée du Quai Branly Jacques Chirac et commissaire associé à cette exposition « Les Olmèques et les cultures du Golfe ». Dominique Michelet l'a rappelé avec justesse combien ce regard s'étend sur des millénaires. Je vous pose la même question en fait. Il y avait une volonté de mettre les Olmèques à l'honneur, au moins dans le titre de l'exposition. Oui, tout à fait. En fait, Dominique a raison. C'est une exposition qui a été largement inspirée d'une exposition antérieure faite au Musée national d'anthropologie sur les cultures du Golfe du Mexique. Et le grand coupable de cette mise en avant, je dirais, des Olmèques, en fait, c'est moi. Donc, pour ceux qui veulent trouver un coupable, je suis le coupable. La raison est que l'exposition au Mexique était mise dans un écrin qui est le Grand Musée national d'anthropologie où il y avait toutes les cultures du Mexique bien représentées. Alors pour Paris, pour le public, espérons-le, français et européen qui viendront voir l'exposition, nous avons décidé de mettre de l'avant en premier lieu la culture olmèque, qui est peut-être la culture la plus importante pour le développement des civilisations complexes au Mexique et en Mésoamérique, et par après décliner les autres cultures, mais aussi les autres sujets de l'exposition pour Paris. Voilà, parce que cette exposition au musée du Quai Branly Jacques Chirac se tient alors jusqu'après l'été. Elle va être prolongée, j'espère, le plus longtemps possible, de façon à ce que les visiteurs puissent venir. Dominique Michelet, vous êtes archéologue. J'ai envie de vous poser la question de savoir, non pas à quel moment les Olmèques ont été découverts, mais vous les avez découverts quand, les Olmèques? Assez tardivement. En réalité, quand je suis parti pour travailler au Mexique, pour faire de l'archéologie au Mexique. On m'a demandé de travailler dans une autre région qui est sur la côte du Golfe, enfin à proximité de la côte du Golfe, mais beaucoup plus au nord. Mais ensuite, j'ai eu à enseigner et je dois dire que j'étais assez fasciné par l'histoire des découvertes. Et ce qui m'intéressait en particulier à l'époque, c'était... À l'époque, on n'avait pas une idée exacte de la façon dont tout débutait chez les Olmecs. Certains collègues nous avaient précédés et ils avaient bien vu qu'il y avait des populations locales, mais tout d'un coup, la complexité s'imposait. Et leur hypothèse à l'époque, c'était de dire que des populations étaient arrivées, que c'est pour ça que ça avait changé aussi rapidement. En réalité, on sait aujourd'hui beaucoup mieux que tout ça était une maturation locale. Mais à l'époque, on cherchait ailleurs. Et on cherchait notamment du côté de la côte pacifique, à la frontière entre le Mexique et le Guatemala actuel. Et je dois dire que quand j'enseignais, j'avais demandé aux étudiants qu'on s'intéresse particulièrement pendant un trimestre complet, au peu qu'on savait à l'époque, sur ces cultures de la côte pacifique. Parce que on était dans la perspective d'une apparition des Olmecs venus d'ailleurs. Or, on sait que c'est faux. Aujourd'hui, ils sont bien là sur place. On a, depuis maintenant une trentaine d'années, des éléments beaucoup plus anciens que ce qu'on imaginait. À l'époque, quand je commençais à enseigner, on disait que les Olmecs, ça commençait en 1200 avant Jésus-Christ. Or, on sait aujourd'hui que c'est plutôt 1700. Donc, ça donne 500 ans d'ancienneté et de maturation possible locale, ce qui fait que les populations ont progressivement ont évolué et ont acquis cette complexité qui fait leur célébrité. Dominique Michelet nous explique que sa découverte personnelle des Olmecs est un peu tardive dans sa carrière. Steve Bourget, mais l'on pourrait dire la même chose de la découverte des Olmecs au sens où cette civilisation n'a été mise au jour que, eh bien, au 19e siècle. Oui, tout à fait. En fait, les Olmecs, ce sont un peu bien qu'étant la civilisation la plus ancienne connue de la Mésoamérique, ce sont aussi les derniers venus, je dirais, dans la région. C'est-à-dire qu'on les a découverts. C'est plutôt que la côte du Golfe. La région du Golfe n'est pas une région au niveau architectural spectaculaire telle qu'on peut trouver dans le Yucatan ou dans la région des hauts plateaux mexicains. Alors, la région du Golfe a toujours été un peu sous-estimée, je dirais, pour son potentiel archéologique. On voyait bien des anciens tumulus, des formes dans la nature, mais on les croyait comme étant des collines ou tout simplement des formations naturelles. Et c'est autour de 1860 qu'on découvre pour la première fois une tête colossale. On n'arrive pas encore à la placer culturellement, mais éventuellement au cours du 20e siècle, du début du 20e siècle, les Olmecs vont rentrer, si vous voulez, dans l'idée finalement de la Mésoamérique. On va commencer à faire des travaux dans la région à partir des années 30-40, et là vraiment, ils vont commencer à exister, je dirais, au niveau archéologique, au niveau de la science en général. Donc, c'est vraiment une épopée qui est très récente. Épopée très récente, et vous l'avez cité, il y a ces têtes colossales. Steve Bourget, combien en avons-nous aujourd'hui de ces têtes colossales venues des Olmecs? Il y en a 17 de connus qui sont distribués sur quatre endroits, environ 4 ou 5 endroits, mais majoritairement sur les 3 grands sites connus Olmec qui sont répartis dans la région du Golfe. Donc, ce sont des têtes qui ont fait couler beaucoup d'encre, je dirais. On les a interprétées comme étant des têtes de joueurs de balle. On les a interprétées de toutes sortes de façons, mais maintenant, il y a un consensus autour du fait que ces têtes représenteraient, des portraits peut-être idéalisés de dirigeants qui auraient exister sur les sites où on les retrouve actuellement. Ces têtes sont colossales, Dominique Michelet. Elles effacent un petit peu, d'ailleurs, tout l'art des Olmecs. Il y a une production absolument gigantesque. Donc, très bien qu'il y ait ces têtes parce que elles résument dans l'imaginaire les Olmecs, mais en vérité, il faut aller très vite plus loin. Oui, Incontestablement. Bon, comme Steve le disait, c'est le premier type de sculpture qu'on trouve, un peu par hasard. Évidemment, ça attire l'œil, parce que quand vous rencontrez quelque chose qui fait 2 mètres de haut et qui est simplement une tête, c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Mais les Olmèques ont été, et ça c'est une des grandes caractéristiques de cette civilisation, de très grands sculpteurs, et des sculpteurs de très grande taille, beaucoup en ronde bosse au départ. Les têtes en question, ce sont des éléments en ronde bosse. Tardivement, ils se sont mis aussi au bas-relief. On a une série de stèles, par exemple, à la Venta dans les années 500-600. Et en fait, on a une très très grande quantité de sculptures. Dans un site comme San Lorenzo, qui est la première des grandes capitales, on en compte plus de 120, des sculptures qui sont souvent très monumentales, parfois beaucoup plus monumentales même que les... En tout cas, il y a au moins une catégorie de sculptures qui est plus monumentale que les têtes, c'est ce qu'on a appelé les autels, qui sont peut-être en réalité plutôt des trônes, s'il n'y a pas encore consensus là-dessus. Mais quand on vous dit il y a 120 sculptures dans un site donné, ça commence à attirer le public. À la Venta, on est à la centaine à peu près. Et à Tres Zapotes, qui est la troisième grande capitale, on dépassera largement les 60-70 sculptures. Donc on est dans des sites qui produisent, alors sur une assez longue durée bien entendu, beaucoup d'éléments assez variés. Mais les têtes ne sont absolument pas les seuls éléments. Ce ne sont pas les seuls éléments. Et puis, c'est vrai qu'il y a des collectionneurs, comme tout, à collectionner une tête monumentale de plusieurs tonnes, c'est difficile. Écoutez cet archive, ça va vous plaire. Jean Laplanche, le psychanalyste, qui s'exprimait sur sa collection d'objets Olmèques. Dans le salon des statuettes Olmèques de Jean Laplanche. Ah non, c'est un trio. Alors là, vous connaissez, c'est Olmec également. Vous connaissez la fascination de toutes ces civilisations américaines pour la mort. Alors là, ici, vous avez la mort, la représentation de la mort. Alors, la mort entraîne sur son dos le bébé qui s'accroche à la mère. Ou à l'adulte, je ne sais pas exactement, parce que souvent ils sont un peu asexués. Et vous voyez, celui qui est emporté par la mort essaye en vain de se raccrocher au vivant qui reste. Puis alors là, vous avez une très belle barque également. Et celui-là, je l'adore évidemment, parce qu'il est en train de déguster son pot de boisson. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, une boisson fermentée certainement. Mais regardez comme il est ravi là. Oh. Il est jouissif, regardez, il ferme les yeux, il ouvre la bouche, il a sa moustache là. Hein, on dirait un dégustateur bourguignon, vraiment là. Un dégustateur bourguignon, effectivement, mais qui nous vient des Olmèques. C'était dans Le Bon Plaisir sur France Culture en 1993. Jean Laplanche qui s'exprimait sur les Olmèques. Steve Bourget, avec ses têtes monumentales, nous avons quelque chose de figé, de hiératique. Un nez épaté, des lèvres épaisses, quelque chose qui est extrêmement strict. Mais à regarder l'ensemble de la production artistique des Olmèques, nous saisissons combien cette civilisation touche à la vie, à l'art, à l'esthétique. Oui, tout à fait. Si vous mentionnez le mot esthétique, il faut le voir en termes de stratégie, à mon avis. C'est-à-dire que c'est une esthétique dédiée au pouvoir. C'est une esthétique qui sert à transmettre des valeurs idéologiques, des valeurs cosmologiques, des valeurs religieuses au travers de ce qu'on appelle l'art olmèque. Donc, que les objets soient monumentaux, c'est-à-dire une tête colossale, disons, qui fait quelquefois jusqu'à 3 mètres de hauteur, ou que ce soit un tout petit objet en jadéite qu'on porte autour du cou, il transporte toujours ses valeurs à la fois idéologique et politique, je dirais. Donc, les Olmèques, en fait, leur grand succès, ça a été vraiment de mettre sur pied, de rendre visible, de pérenniser, si vous voulez, des valeurs et des concepts religieux qui devaient déjà circuler dans la région du Golfe du Mexique depuis plusieurs centaines d'années. Mais ils vont être les premiers, probablement, à cheminer sur la route de cette complexité sociale qui qui éventuellement construisent des... Ils vont être les premiers à faire une pyramide, les premiers à installer des stèles commémoratives sur leur site, et bien sûr, à semer ici et là quelques têtes colossales. Donc, vous voyez, tout cet art est un art vraiment dédié à une forme de pouvoir et fort probablement à un certain groupe à l'intérieur même de la communauté Olmec. Dominique Michelet, d'ailleurs, avons-nous une idée de l'organisation sociale des Olmecs? Nous entendons, dans ce que dit Steve Bourget, beaucoup de fois les premiers, et c'est drôlement intéressant. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans le cours de l'histoire sur France Culture, aujourd'hui, nous nous intéressons aux Olmecs. Mais que connaissons-nous d'eux vraiment? Alors, c'est quand même une assez longue chronologie, puisque le premier grande capitale, San Lorenzo, ça commence vers 1200 avant Jésus-Christ, et on va donc, pendant 8 siècles, avoir une succession de grandes capitales. Il faut les regarder les unes après les autres. À San Lorenzo, il y a eu un certain nombre de recherches récentes, enfin, il y avait déjà des recherches plus anciennes, bien entendu. On avait un collègue nord-américain extrêmement célèbre, Michael Coe, qui avait fait des fouilles dans les années 60, qu'il a publié dans les années 80. On lui doit en particulier d'avoir découvert, lui, beaucoup de sculptures, d'avoir repéré des assemblements, des assemblages de sculptures. Mais les éléments les plus spectaculaires viennent de fouilles plus récentes, dirigées par une collègue d'origine nord-américaine aussi, mais qui émarge à l'Université nationale autonome de Mexico, Anne Seifers. Et Anne Seifers a en particulier, d'une part, bien quadrillé le site. Le site est en partie une élévation artificielle, c'est un plateau, mais un plateau qui a été aménagé et dont la surface a été nivelée relativement pour obtenir donc toute une zone d'installation bien plus... Alors, sur cette zone-là, qui fait dans sa partie centrale, simplement centrale, 50 hectares à peu près, mais il y a beaucoup plus tout autour. Elle a notamment trouvé un secteur, d'une part, qui est probablement de type religieux administratif, une place avec une plateforme autour et un certain nombre de sculptures. On peut imaginer que là se produisait toute une série de cérémonies à la fois religieuses et politiques. Mais elle a aussi fouillé ce qu'on connaît comme le Palacio Rojo, le Palais Rouge. Dans tout son programme de fouilles, elle a pu détecter un bâtiment beaucoup plus important que tous les autres, dont les murs sont revêtus d'une couleur rouge, les sols aussi, et elle a pu distinguer les fonctions d'un certain nombre de pièces dans ces palais-là. Dans ce palais-là, en particulier, il y a une pièce de réception très nette. Donc, on est dans un système politique où on a déjà affaire à des populations dirigeantes qui accueillent des populations soumises. Et parmi les belles surprises de cette fouille du Palais Rouge, il y a en particulier une zone d'atelier où on se rend compte que les dirigeants, ceux qui sont à la tête du système, contrôlent complètement la fabrication des sculptures. Et non seulement de la fabrication, mais du recyclage des sculptures. La grande surprise, c'était de découvrir dans cet atelier-là un certain nombre d'éléments qui étaient en cours de transformation. Des sculptures qui avaient une première vie sous une certaine forme et qu'on va recycler sous une autre forme. En particulier, bon, c'est pas le cas dans cet exemple précis, mais ça on le sait bien dans d'autres exemples. Ces très très très grandes sculptures qu'on appelle les autels et qui servaient probablement de trône, on sait que dans certains cas, elles étaient recyclées en tête colossale, parce qu'il y avait la matière suffisante pour reprendre la sculpture, lui faire disparaître son allure initiale, qui est une espèce de grand parallélépipède, et pour lui donner finalement... Aux époques postérieures, par exemple à La Venta, qui est la deuxième grande capitale, qui démarre vraiment vers 900 avant Jésus-Christ, là on a à la fois plus et moins d'informations. Plus dans la mesure où le centre du site, on le connaît très bien depuis très longtemps, et c'est quelque chose qui est terriblement orthonormé, on voit parfaitement qu'on a affaire à un pouvoir qui dirige absolument tout l'urbanisme de ce secteur-là. On parle quand même de quelque chose qui a une longueur d'un kilomètre. Ça n'est pas une toute petite chose, c'est un grand site. Et on en sait moins d'un autre côté, parce que on dit au sud, dans ce secteur qui est, puisqu'il y a trois places successives, A, B et D successivement, on dit la partie sud et la partie probablement administrative, parce qu'on a des très grandes plateformes avec probablement des édifices qui ont en partie disparu par-dessus, mais les fouilles n'ont pas encore permis d'avoir la précision qu'on a à San Lorenzo. Et puis justement, dans tout ce que vous évoquez, Dominique Michelet, il y a ces éléments architecturaux, parce que depuis que nous parlons des Olmecs, c'est vrai que nous parlons beaucoup de la sculpture. Le site lui-même, Steve Bourget, nous projette dans, la démarche logique, dans la comparaison. Alors bien sûr, comparaison n'est pas raison, mais nous nous projetons sur toutes ces cités mayas, et nous voyons des pyramides en pierre, et nous pouvons aller dans d'autres univers. Au Mexique, nous voyons beaucoup de pierres. Qu'en est-il des sites, du point de vue architectural, pour les Olmecs? Vous nous avez dit, ils ont construit la première pyramide ou les premières pyramides. Comment sont-ils, ces sites? La région Olmec, la région du Golfe, de cette partie du Golfe, je dirais, c'est une région de l'argile. Hein, c'est une région marécageuse où il y a presque pas de pierres vraiment sur les sites. Donc, toutes ces pierres monumentales, toute cette quantité lithique, si vous voulez, a été transportée d'une manière ou d'une autre des montagnes de Tuxtlas qui sont situées quelquefois entre 60 et 100 kilomètres de distance au nord de la région de la Venta, disons, ou de Tres Zapotes. Donc, c'est vraiment un travail à la fois colossal de pouvoir extraire ce matériau volcanique et de l'amener en bloc, littéralement, qui pèse quelquefois jusqu'à même plus de 20 tonnes, et les amener sur les sites pour pouvoir éventuellement les transformer en hôtels, en têtes colossales ou en éléments d'architecture. Donc, ce sont des sites qui, lors de leur découverte, ressemblaient littéralement à de la végétation naturelle avec des collines un peu partout. Mais en fait, aussitôt qu'on commence à dégager ces supposées collines, on voit apparaître des formes d'édifices, des planchers, des murs, etc. Donc, c'est vraiment une transformation de l'espace. Et c'est aussi une autre forme du pouvoir, donc de pouvoir transporter sur de longues distances des objets aussi, disons-le, colossaux. On va le répéter souvent probablement ce matin. C'est une façon de démontrer aussi la capacité justement de faire travailler un grand nombre de gens pour ses propres fins, si vous voulez. C'est drôlement intéressant ce que vous nous dites là, parce qu'effectivement, transporter de la pierre sur de longues distances, ça montre qu'il faut être un peu costaud, sans doute, mais surtout, cela montre qu'il y a une organisation sociale, Dominique Michelet. Oui, incontestablement, c'est quelque chose qui a attiré l'attention très vite et même presque immédiatement. Pour revenir juste un tout petit peu en arrière, les Olmecs transportent des quantités colossales de matériaux lithiques pour faire de la sculpture, soit de la sculpture de grande dimension, soit dans les pierres semi-précieuses, la sculpture de petite dimension. Les sites, eux, c'est une architecture de terre. Et c'est quelque chose qui a beaucoup surpris, parce par comparaison avec d'autres civilisations postérieures, en particulier les voisins mayas, bien entendu, qui, eux, ont beaucoup plus manipulé la pierre et taillé la pierre et donc donné à leur structure une allure plus permanente. L'architecture de terre, c'est malgré tout quelque chose qui a tendance à se défaire plus facilement, même quand il s'agit de terre battue. Par exemple, la pyramide à laquelle faisait allusion Steve tout à l'heure, la première grande pyramide construite, celle de la Venta, quelque part probablement vers 700 avant Jésus-Christ, c'est un bâtiment qui fait 34 mètres de haut à peu près, c'est donc pas rien, surtout quand on est dans une zone extrêmement plane comme c'est le cas, parce que c'est une île, la Venta, la partie centrale de la Venta, on est presque au niveau de la mer, on est à quelques dizaines, même pas, de mètres au-dessus du niveau de la mer. Et vous placez là, en plein milieu d'un endroit qui est complètement plat, une pyramide qui fait 33-34 mètres de haut. Alors, quand on a commencé à travailler sur cette pyramide, on a été frappé par le fait que, justement, l'érosion avait creusé un certain nombre de saignées tout autour de cette pyramide, et on disait, ah ben finalement, c'est quelque chose qui ressemble comme une espèce de moule à gâteau, inversé, et finalement, bon, c'est très important, mais on n'avait pas une idée très précise de la morphologie de ce bâtiment. Or, les fouilles menées par Rebecca González-Locke il y a quelques années nous montrent qu'en réalité, ça n'est pas complet comme fouille, donc il faudra quand même continuer à vérifier, que c'est probablement une pyramide à quatre côtés avec un escalier sur chaque côté et des angles rentrants. Autrement dit, on avait une véritable architecture de terre, sauf que cette architecture de terre, elle a un tout petit peu disparu aujourd'hui, et que c'est seulement la fouille très précise qui va nous permettre de reconstituer les formes exactes. Et puis avec la Venta, nous nous trouvons dans l'état actuel mexicain de Tabasco, alors que cette civilisation Olmec s'étend également dans l'état de Veracruz. Pendant ce temps, à Veracruz. Algo más, señora? Es todo, gracias. ¿Cuánto le debo? 13,95. France Culture. Le cours de l'histoire. Se me olvidaba la mantequilla. Ya sabía que se le olvidaba algo. Xavier Mauduit. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous intéressons aux Olmèques, grandeur et décadence des Olmèques, avec des moments importants dans cette histoire, histoire de la découverte d'une civilisation, découverte au XIXe siècle, étudiée pendant tout le XXe siècle, et des éléments importants, par exemple, quand Jacques Soustelle, professeur à l'École des hautes études en sciences sociales, a commencé à publier des ouvrages sur les Olmèques. Alors je commence tout de suite en me tournant vers Jacques Soustelle et en lui demandant qui sont les Olmèques. On connaissait tout le reste de la famille, si je puis dire, mais voilà les Olmèques qui apparaissent. Eh bien oui, on connaissait surtout les Aztèques parce que c'était les derniers et que les Européens les ont trouvés en arrivant. Tandis que les Olmèques, personne ne les connaissait, car c'est une civilisation qui s'est développée entre moins 1200 ou même peut-être moins 1500 et moins 400. Dans une région d'ailleurs très belle, et qui, en fait, après avoir été tout de même très peuplé à l'époque Olmèque, est resté pratiquement sans presque personne jusqu'à nos jours. Et de nos jours, qu'y a-t-il ? Les pétroliers, parce qu'il y a énormément de pétrole à cet endroit, et en particulier à la Venta, ce qui d'ailleurs est très fâcheux du point de vue archéologique. Il n'est pas besoin de vous le dire, quand il y a des dériques au milieu des forêts, ça ne facilite pas les fouilles archéologiques. Mais vous dites que ces Olmèques, si je vous ai bien lu, pratiquement sont, par rapport aux autres civilisations américaines, amérindiennes, oui, sont pratiquement les équivalents des Sumériens, si je puis dire. Oui, j'ai souvent pensé que si l'on pouvait comparer les Aztèques aux Romains, comme on l'a fait souvent, les Mayas aux Grecs, et ce qui est fort justifié d'ailleurs, on pourrait comparer en effet les Olmèques aux Sumériens. En 1980, Jacques Soustelle s'exprime sur les Olmèques avec cette volonté de bien faire comprendre la chronologie. Steve Bourget, vous en pensez quoi de cette comparaison avec les Aztèques romains, les Mayas grecs et les Olmèques sumériens? La volonté, c'est de bien montrer cette ancienneté. Ah oui, premièrement, c'est fort agréable d'écouter le professeur Soustelle expliquer sa vision de la région et ses analogies. Moi, je ne suis pas très fort sur ce type d'analogie, alors je m'intéresse peu à faire des comparaisons qui sont trop distantes au niveau culturel et géographique, mais il est certain que l'aventure des Olmèques, c'est une aventure qui est structurante pour l'ensemble de la Mésoamérique. Donc, ce sont vraiment, je ne pourrais pas dire que ce sont comme des Sumériens, mais ce sont certainement ceux qui vont donner des outils extrêmement importants pour le reste de l'histoire, non seulement au niveau architectural, tel que nous l'avons déjà mentionné, mais aussi, ils seront peut-être parmi les premiers à développer une forme d'écriture qui est quelque chose d'assez au niveau mondial extraordinaire, et aussi parmi les premiers aussi à développer une forme du contrôle du temps. Donc ils vont mettre sur pied fort probablement des calendriers. D'ailleurs, les petits-enfants des Olmèques, je dirais, que sont les Mayas, vont largement puiser dans cette dans cette connaissance, dans cette tradition et la réutiliser pour leur propre histoire. D'ailleurs, c'est un aspect très important des cultures, à mon avis, mésoaméricaines. C'est ce concept que Feu Marshall Salins, qui est décédé la semaine passée, avait développé, celui de l'ancienneté, c'est-à-dire qu'on valide finalement la société, la proposition politique qui est faite à un moment donné en puisant dans le passé et en glorifiant certains aspects du passé. Donc, on retrouve notamment chez les Mayas cette tradition d'utiliser finalement des concepts qui étaient beaucoup plus anciens qu'eux pour pouvoir glorifier, si vous voulez, le présent. Et c'est une stratégie à la fois politique et certainement idéologique. Donc, vous voyez, les Olmecs, s'ils ont laissé une grande tradition en Mésoamérique, c'est bien celle de conceptualiser le monde et on va puiser, les cultures subséquentes, semble-t-il, vont puiser dans cette tradition jusqu'au contact espagnol, je dirais. Les Olmecs et les cultures du Golfe du Mexique, c'est le nom donné à cette exposition au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Et bien justement, Dominique Michelet, les Olmecs et les cultures du Golfe du Mexique rejoint un peu cette idée que dans ce monde Olmec, dans cette civilisation, il y a les bases, le foyer du développement postérieur et dans lequel on peut puiser. Oui, incontestablement. Il y a eu, à partir des années 1940, et surtout postérieurement, une polémique. Parce que dans les années 1940, c'était quand même plutôt les débuts de l'archéologie dans cette partie-là du monde, et un certain nombre de chercheurs ont commencé à bien connaître les Olmecs. Il y avait des très gros projets nord-américains, en particulier à ce moment-là, conduits par Matthew Sterling, sur un certain nombre de sites, Tres Zapotes, La Venta et même San Lorenzo, et ont commencé à accumuler pas mal de données. Et puis par ailleurs, il y avait des gens qui travaillaient dans d'autres parties du Mexique, en particulier dans le bassin de Mexico, un autre nord-américain qui s'appelait George Vaillant, et lui avait trouvé à la base de ses stratigraphies, donc dans des couches très profondes, des têtes de figurines qui rappelaient beaucoup des figurines qu'on trouvait sur la côte du Golfe. Et dans la mesure où il trouvait ces têtes-là en contexte très très profond, venait l'idée qui a été donc exprimée sur la première fois de façon très explicite en 1942, que les Olmecs constituaient la culture mère, c'est celle dont finalement tous les successeurs s'étaient inspirés et qui avaient jeté les bases d'une série de visions du monde, comme disait Steve à l'instant, et je crois que c'est tout à fait vrai. Alors, la grande polémique qui est née surtout à la fin des années 80 venait de collègues qui travaillaient dans des zones différentes où ils trouvaient eux aussi d'une certaine complexité, mais une complexité qui était pas du même niveau malgré tout, et un certain nombre de notions fondamentales avaient été instituées par les Olmecs. Je pense en particulier à un objet qui est dans cette exposition, qui est pour moi un des objets absolument fondamentaux, qui doit dater des années 1000 avant Jésus-Christ à peu près. C'est une plaque de serpentine, c'est donc assez mince, assez étendue, ça fait 70 cm de haut par une petite cinquantaine de large, et vous voyez une face. Simplement une face. Sur cette face-là, vous avez donc des yeux, une bouche, et vous avez au sommet du crâne une indentation dans laquelle sort quelque chose qui ressemble à un épi de maïs. Bon, on a de bonnes raisons de penser qu'effectivement c'est une représentation, une symbolisation de cette vie qui est offerte par la culture du maïs. Bon. Et sur les quatre côtés, sur les quatre coins de ce visage-là, qui se voit complètement de face, il est plat, puisque c'est une plaque, vous avez quatre petits éléments rectangulaires, sans aucun motif par-dessus, simplement l'indentation au sommet. Autrement dit, vous avez devant vous une représentation peut-être d'une espèce de divinité du maïs qui est répliquée quatre fois aux quatre angles. Et ça constitue ce qu'on appelle un quinconce, un centre et quatre côtés. Et cette façon de voir le monde comme étant formé à l'échelle horizontale par quatre orients et la partie centrale où l'on se trouve, qui est le centre même du monde. Chacun est au centre du monde, là où il se trouve. Eh bien, c'est quelque chose qui va perdurer dans toute toutes les civilisations postérieures. Et quelque part vers l'année 1000, il y a déjà une illustration de ce concept de la vision horizontale du monde avec les quatre orients vers lesquels on peut se diriger et le centre où l'on se trouve. Ça, c'est fondamental. C'est en ce sens-là qu'effectivement, les Olmèques fondent et jettent les bases de toute une vision du monde qui va être partagée par leurs successeurs. Toujours ce travail sur la pierre, la serpentine, en plus pierre verte, donc cette couleur sublime qui permet de développer pour les Olmèques tout cet imaginaire politico-religieux. Steve Bourget, il y a ces éléments récurrents, notamment la figure du jaguar. Il y a plusieurs. Oui, il y a le jaguar, bien sûr, mais il y a aussi plusieurs autres éléments. Et comme le disait si bien Dominique, c'est effectivement la mise sur pied. Les Olmèques ne sont pas les seuls, encore une fois, j'aimerais bien le souligner, ne sont pas les seuls à certainement épouser certains des éléments qu'on voit représentés dans la culture olmèque. Mais ce sont certainement ceux qui vont les articuler de façon visible plus clairement, c'est-à-dire une vision du monde avec basée probablement sur les points cardinaux, une vision du monde avec des points de référence, avec un centre, mais aussi avec une forme, une utilisation du monde écologique, du monde naturel autour d'eux, mais l'utiliser de façon rituelle. Donc, ce qu'on a appelé, à partir des années 70-80, une forme d'écologie rituelle. Alors, ils vont puiser des éléments très structurants qui sont reliés à des principes lié à la reproduction humaine, la reproduction des plantes et la reproduction des animaux, le changement des saisons, l'humidité, la pluie, la pousse des plantes, entre autres agricoles telles que le maïs, etc. Donc on retrouve des animaux qui deviennent finalement représentés, mais qui sont en fait un condensé de principes, symboliques très, très fondamentaux. Donc, vous avez mentionné, entre autres, le félin, le jaguar, mais il y a aussi des formes de batraciens, probablement des crapauds, des formes de serpents, de chauves-souris. Donc, il y a tout une faune, si vous voulez, rituelle qui est bien représentée. Et les dirigeants vont sciemment utiliser ces principes pour évoquer des concepts beaucoup plus larges au niveau du monde, de la reproduction du monde, etc. Un autre point que Dominique a bien mentionné, c'est ce concept du quinconce qui, si vous tirez une ligne de deux diagonales entre les quatre coins, si vous voulez, de ce rectangle, vous avez un point central et le pouvoir est toujours au centre de ce point. Donc, le milieu du monde passe au travers du pouvoir et les dirigeants sont finalement ces axes vers lesquels converge finalement le monde qui les entoure. Donc, vous voyez, c'est vraiment une mise en place assez judicieuse, je dirais, très intelligente entre le comportement naturel du monde, le changement de saison, le jour, la nuit, la vie et la mort, mais aussi cette intégration à l'intérieur d'une proposition sociale et politique. Donc, c'est vraiment un aspect intéressant. Et l'autre aspect que vous avez mentionné, que j'aimerais, si vous me permettez encore, d'élaborer, c'est l'aspect de cette pierre verte, de cette jadéite. Cette jadéite n'existe pas dans la région du Golfe. Donc, c'est un produit qui vient de très grandes distances, quelquefois de plus de 1000 kilomètres de distance de la région du Golfe. Donc, c'est un matériel qui est exotique. Et ça aussi, c'est un autre aspect du pouvoir, cette capacité de canaliser vers le centre, vers la région du Golfe, des éléments qui viennent d'ailleurs. Donc, imaginez ces dirigeants qui se montrent avec une quantité de jade impressionnante sur eux. C'est aussi une façon de démontrer leur capacité d'établir des relations à longue distance, de montrer en fait qu'ils sont vraiment non seulement au centre du monde, mais aussi que le monde migre vers eux. Donc, il y a un aspect très prestigieux au pouvoir et le jade sert à matérialiser ce prestige, si vous voulez. Une lecture très nette de l'organisation sociale, du commerce, du pouvoir, de la religion, qui va au-delà d'une lecture des Olmèques à travers le mystère. Au commencement était ce Mexique là, non loin du golfe où vient se lever l'Atlantique, dans des terres basses gorgées d'eau. C'est là que le Mexicain plonge la substance des songes de son paradis perdu. Trois mille ou mille ans avant l'ère chrétienne, on ne sait. Mais la civilisation olmèque laisse ici ses traces colossales entre ciel, eau et forêt. En 1982, sur la première chaîne de la télévision française, Voyage au Mexique, et justement Dominique Michelet, ici nous avons quelque chose qui rentre dans la narration, mais qui est lié à ces civilisations, et vous nous avez clairement expliqué combien elle a été riche de créations, et toujours la question de la fin de la civilisation. Comment les Olmèques disparaissent? En fait, pourrait-on le dire autrement, disparaissent-ils? Non, non, absolument pas. On a toutes sortes de raisons de penser qu'ils... Alors, les grands sites, oui, perdent leur population, mais déjà en 900 avant Jésus-Christ, San Lorenzo, qui avait été la première capitale, est remplacé par une autre. Ça, ce sont des mouvements, finalement, de culture assez traditionnelle. Vous avez la première place occupée par un site, et puis vous en avez un autre, et puis vous en avez un troisième. Et au moment où le troisième, qui est Tres Zapotes, en réalité, aujourd'hui, les spécialistes de ce site-là disent que, en fait, c'est un site qui n'a pas été abandonné, sauf peut-être quelque part vers 900 de notre ère. On est très très loin des Olmèques. Autrement dit, il y a eu toujours de la population dans ces régions-là. Simplement, l'espèce d'initiative qu'avaient les premières générations est complètement partagée par des tas d'autres. Et les réalisations, il va y avoir une compétition entre les civilisations qui vont se développer. Et ceux qui occupent cette partie-là de la côte du Golfe sont peut-être moins brillants que leurs prédécesseurs ou que leurs contemporains. Donc on en parle moins, mais les populations ne disparaissent jamais de la vie. Et d'ailleurs, alors on a un terme pour parler de ces derniers Olmèques, qui ne sont pas les derniers encore une fois, on dit les épi-Olmèques. C'est-à-dire au-delà de 400, on a encore des tas de gens et des tas de gens qui fabriquent des choses remarquable. On a un site en particulier, Cerro de las Mesas, qui est quelque chose de tout à fait remarquable, mais qui va se développer au début de notre ère. Et on est en bordure du pays olmèque. C'est une continuation de la tradition. Simplement, comme à la même époque, on commence à beaucoup parler des Mayas, on parle un petit peu moins. Mais en réalité, ce sont des gens qui continuent à être extrêmement actifs et à faire des inventions, en particulier, par exemple, je pense à un format très particulier qui est la stèle avec le dirigeant représenté assis, debout, de face, de profil, accompagné d'une inscription. Eh bien ça, on a ça en pays olmèque d'abord, avant que ça arrive chez les Mayas. Et ça ne fait pas partie traditionnellement de l'image qu'on donne des Olmèques, mais c'est bien en épi-olmèque, autrement dit, c'est un héritage. C'est un héritage. Et bien, en tout cas, merci vivement à vous deux, Dominique Michelet, Steve Bourget, de nous avoir fait voyager tout simplement et fait découvrir cette civilisation. Évidemment, l'exposition Les Olmèques et les cultures du Golfe, c'est au musée du Quai Branly-Jacques Chirac à Paris. Puis il y a le catalogue, hein, on vous retrouvera tous les deux. En tout cas, merci de nous avoir conduit des Olmèques aux épi-olmèques, en passant évidemment par les épis de maïs. On retrouve tout de suite Anaïs Kien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Dans le journal de l'histoire, la préhistoire renoue avec la géographie. Elle était oubliée depuis plus d'un siècle, remisée dans les caves du musée d'archéologie de Saint-Germain-en-Laye, après la mort de son inventeur, l'historien local Paul du Châtelier. C'est une carte partielle de la Bretagne, plus exactement une partie du Finistère, la vallée de la rivière Audet, entre Saint-Goisec et la côte atlantique de Bénodet, que les archéologues ont redécouverte avec un œil neuf. Loin de la feuille de papier pliée, dépliée, repliée que l'on jette dans le vide-poche d'une voiture, cette carte de l'âge du bronze, nous sommes dans le deuxième millénaire avant notre ère chronologique, entre moins 2000 et moins 1500, cette carte de l'âge du bronze est une dalle de 2 mètres sur 1 mètre et demi, qui paraît d'autant moins pratique à emporter en balade qu'elle est en morceaux. mais elle tue l'idée reçue selon laquelle les humains de l'époque ne s'intéressaient pas à représenter l'espace qui les entourait et se contentaient de leur carte mentale en s'orientant selon des repères élémentaires, le tumulus, après la deuxième rivière à droite. Dans le tracé de cette carte préhistorique, on peut déceler par des formes géométriques répétitives et dans les reliefs créés à la surface de la pierre, la représentation cartographique des paysages environnants, des cours d'eau de la région, des enceintes, des parcelles de terre déterminées par une main humaine, des tumuli, pluriel de tumulus, indiquant des tombes et des routes. La redécouverte de cette dalle gravée de Saint-Bélec en Lehan intéresse la planète archéologique mondiale, si l'on en croit les publications sur le sujet parues dans le Guardian en Grande-Bretagne et dans la revue du Smithsonian Museum de New York. Reste à savoir pourquoi cette carte a été créée. Parce que cette carte de pierre, dessinée il y a 4000 ans, pourrait être la plus ancienne carte connue d'Europe et peut-être même du monde. Elle pourrait également planter un repère dans ce temps si lointain, sans archives et sans chroniqueur pour nous raconter son histoire, même enjolivée. La commande de l'inscription des frontières et des caractéristiques d'un territoire serait l'indice précieux de deux changements successifs de pouvoir politique. Un inventaire et une délimitation d'un espace, de ses habitants, de ses équipements, de ses monuments, un acte de propriété utile à celui qui s'en réclamait pour faire valoir son autorité. La dalle de Saint-Bélec serait donc la preuve d'un premier bouleversement du pouvoir politique au moment de sa conception et peut-être de la réorganisation en cours d'une société. Un repère dans l'espace et dans l'organisation humaine et un repère dans l'histoire, une précieuse carte donc. La géographie sert à faire la guerre, comme l'écrivait le géographe Yves Lacoste en 1976, mais aussi à ranger le désordre créé à cette occasion, c'est-à-dire à faire la paix ou quelque chose qui s'en approcherait. Il nous manque la carte précédente, si elle a un jour existé, celle qui nous renseignerait sur les frontières et l'organisation du territoire et de ses hommes et femmes avant celle-ci. La dalle de Saint-Bélec est une photo à un instant T, un repère dans le passé, mais cette carte de pierre retrouvée brisée pourrait aussi signifier la fin d'un règne et son abolition, la chute d'un roi ou d'un seigneur local par la destruction de ce symbole de son pouvoir. Merci beaucoup Anaïs Quien. On retrouve le journal de l'histoire et tous les liens utiles sur l'appli Radio France et sur le site franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, le cours de l'histoire, une émission réalisée par Milena Hellig avec aujourd'hui à la technique Baptiste Lénard. Toute cette semaine, les Amériques avant l'Amérique, du nord au sud, qui étaient les premiers Américains, grandeur et décadence des Olmèques. Et puis, effectivement, nous poursuivons la route. Prends le ton lama, on rentre à Cusco, nous allons explorer le mythe Inca et vers le Grand Nord, la préhistoire des Inuits. Ça, c'est demain, direction les zones froides, des émissions à écouter, à podcaster en ligne sur le site franceculture.fr et sur l'appli Radio France, le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupointe, Toscane Judès, Odile Jouessel, Juliette Corbel-Vivas. Une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou. Demain, nous nous retrouvons tous dans le Grand Nord avec les Inuits.